am să mă înhoză, ce am să mă puneglul, cu neglul din alegre. Senegal să mă riesc, Senegal! Senegal să mă riesc, Senegal! Dans ce game je vous rends mou, pourvu que ça dure. J'ai aucune idée de l'empire que je suis en train de bâtir. Ne te trompe guère, c'est le moment d'être dans le navire. Je suis le Jedi game mais vos rappeurs sont mes créatures. Et j'arrive en wall-off, coup de coude, on te met des balles. Ton rappeur aura le palou, s'il arrive à rapper c'est d'une balade. J'ai le talent, Dieu les punit, font les morts, font les timides. Parle mal des temps sur la liste, et le goy il va te rendre visite. Que des physiques, que des nocifs, ouvrez les portes, que le véli rentre. Que vos rappeurs se pendent, vos rappeurs qui sont sans effet qui portent. Que des Gucci, je fais la musique pour mon pays, mais sans cesse c'est pas les Gaulois. Dans ce game on sait qui est fallible, pour pas on sait qui est fait rigolant. Je prends mon temps, surveille les nuages. Quand il veut venir c'est pas bon, quand il veut venir c'est pas bon. Shogun, Shogun, Shogun, Shogun. Tu rigoles le matin, on attend la nuit. Tu vas pas croire si tu me vois fondu. Shogun, Shogun, Shogun, Shogun. Salam wa Sénégal, N'Djitou, Côte d'Ivoire, Axine. Tu es écouté dans la rue, dans tous les bars, car les taxis, man. Meilleur rappeur, les autres, c'est les sometimes. Sont des étoiles sous les sunshine. En vrai, c'est pas permis, mais je fais des punchlines, Paxine. Je fais la DA de mes sons, je participe à mes instrus. Je suis enfant de musicien, je sais tout faire, c'est mon excuse. Le rap africain, ma maison, partir en vacances, je me le permets. Beaucoup de rappeurs fake comme les coachs remplis sur internet. Je prends mon temps, surveille les nuages. Quand il veut venir, c'est pas. Quand il veut venir, c'est pas. Shogun, Shogun, Shogun, Shogun. Tu rigoles le matin, on attend la nuit. Tu vas pas voir si tu me vois fondu. Shogun, Shogun, Shogun, Shogun. Les rageux peuvent toujours essayer, ça me dérange pas, ça s'applaudit. Si ton rappeur est fort que moi, wallahi là je suis maudit. Hey, wallahi là je suis maudit. Ils savent très bien qu'ils vont pas durer, leur dernière option c'est même maudit. J'investis dans le son, je mets tout dans mon propre casque. Abidjanais, pas parisien, pas monégasque. On parle que de business, dis-nous ce que tu proposes. Ils ont tous dit qu'ils étaient forts, mais ils sont meilleurs que dans les forts.